caneton. J'attendais la plume qui ferait que mon nom soit dans les tribunes des canards, des journaux, des vendeurs de brume. Les pattes dans la mare, j'avais beau tenter, un jour j'en eus marre. J'ai dû me barrer loin de tous ces oiseaux qui se ressemblaient. Et sous mon jaune plumage, je me suis construit un cœur tout en couleur. Et l'orage s'est envolé, et moi aussi, mes ailes, j'ai déployé ma belle, j'ai survolé un monde où l'on s'aime. Et moi aussi, mes ailes, j'ai déployé ma belle, j'ai survolé un monde où l'on s'aime. M'a pris l'autre, j'ai gravi les dunes, j'ai fait le plus dur au milieu des vautours, des mauvaises enflures, au milieu des aigris qui brisent les rêves. Lentement j'ai compris que le vent se lève jamais seul, non jamais, que quand on l'appelle. Et sous mon jaune plumage, je me suis construit un cœur tout en couleur. Et l'orage s'est envolé, et moi aussi, mes ailes, j'ai déployé ma belle, j'ai survolé un monde. Survivrons ce monde où l'on s'aime.